Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très très heureux de vous retrouver sur cette antenne. Et à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle émission d'Un métier, une passion. Notre invité ce matin, c'est Alex Bertrand. Merci d'être là, Alex, d'avoir répondu à l'invitation pour la préparation de l'émission et puis d'être là ce matin avec nous en direct. Alex Bertrand, un incontournable du pays, un fils du pays qui, à 55 ans, a déjà pas mal roulé sa bosse. Formé au lycée hôtelier de Bellegarde, il a connu pas mal d'établissements, en passant entre autres par Evian ou encore Genève, on va en parler. Concernant justement cette partie hôtellerie-restauration, nous allons évoquer évidemment la cuisine, c'est incontournable, celle peut-être d'hier, mais surtout celle de demain. Et je vais demander aux auditeurs, aux auditrices de bien tendre l'oreille, parce que vous allez entendre des termes de cuisine que vous ne connaissez peut-être pas, cuisine moléculaire ou encore cuisine de distillation. Vous nous avez scotché, Alex, au moment de la préparation de l'émission. Alex Bertrand a aussi créé sa propre structure, ABC. Il fait dans l'événementiel, séminaires et autres prestations. On va aussi en parler. Un métier, une passion, c'est aussi la passion d'Alex, le football. Depuis 1974, il est dans le Concordia Football Club. Et depuis, il ne l'a pas quitté. Alors, on pourrait penser de lui que c'est un vieux baroudeur. Alors, baroudeur, sans doute. Vieux, je ne crois pas, parce qu'il fourmille d'idées, Alex. Mais attention, et là je m'adresse à nouveau aux auditeurs et aux auditrices, notre invité, il faut parfois le suivre, parce que quand il pousse son raisonnement, comme on dit, il monte dans les tours. Et là, ça relève d'une alchimie qui associe homme de terroir et scientifique. C'est qu'il y en a sous le chapeau, hein. Merci d'être là. Merci à Ludo pour la réalisation et Guy Catelan, président et ami. Ça va, Alex? C'est bon? Ok. Bien près du micro. Bon. Guy, c'est à toi. Oui, bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission Un métier, une passion. Alex Bertrand, qui est né à Éloise le 15 janvier 1964, descendant d'une famille de résistants. C'est pas rien, hein? On en reparlera. Je sais qu'on va en reparler parce que quand je vois la tête à Alex, c'est à l'école communale que vous avez usé les fonds de culotte avec votre maman pour institutrice. Ça, c'était aussi. D'ailleurs, bonjour Paulette, je t'embrasse. on disait maîtresse à l'époque. Votre papa employé à la SNCF. Plus particulièrement au CERNAM. Le lycée Saint-Exupéry, Brillat-Savarin, a été le point de départ pour vous diriger vers votre vie professionnelle. Et c'est votre volonté qui a forgé votre caractère, bien forgé celui-là. Ah ouais, et puis je peux en parler, hein. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Après votre CAP de cuisine et le BEP hôtellerie en 1982, ce sont divers emplois dans l'univers de la restauration que vous occupez. Parallèlement, un sport vous passionne, le football. C'est donc tout naturellement que vous vous engagez au Concordia comme joueur, éducateur, dirigeant et président des jeunes. Depuis 2000, c'est auprès de l'entreprise Firminich que vous exercez une nouvelle profession comme opérateur chimie. Et puis voilà que vous créez une nouvelle activité. Robert vient d'en parler. ABC, Alex Bertrand Communication. Une nouvelle activité qui vous motive énormément. On vous reconnaît dans la rue, même de dos. Eh oui. On vous reconnaît dans la rue, même de dos. C'est vraisemblablement parce que vous êtes coiffé d'un chapeau savoyard. Le vrai chapeau savoyard. Et pour cela, on vous reconnaît bien. C'est donc un plaisir particulier que nous vous recevons à l'antenne aujourd'hui pour nous parler de tout cela, Alex. Comme j'ai dit, 1964, c'est le jour où vous êtes, le 15 janvier 1964, c'est le jour où votre maman vous a mis au monde. Vous vous rappelez pas de ce jour-là, Alex, hein? D'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, personnellement, je me rappelle pas, mais ma mère m'a raconté que je suis né avec les mains sur la tête. Simplement parce que j'avais peur du vide, donc c'est pour ça que déjà j'étais déjà à l'envers, donc à l'envers de tout le monde, donc voilà. Pourquoi déjà? Parce que vous êtes quelqu'un d'à l'envers? Je suis toujours à l'envers. Oula, ça commence fort. On peut en témoigner, Robert, hein. Ça, oui. Quand il dit qu'il est toujours à l'envers, je peux t'assurer qu'il est toujours à l'envers. C'est un type que je qualifierais de très particulier. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ton intervention, ton résumé là en début d'émission, en disant que sous le chapeau il y avait des choses qui, ah ouais, ça gurgite d'idées. D'ailleurs, Vous n'êtes pas avec nous, les auditrices et les auditeurs, mais nous, il est en face de nous, donc on le voit. Il est bien dégarni, hein, donc ça veut dire que ça doit fumer à l'intérieur et que les choses doivent se passer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il met un chapeau, hein, c'est pour essayer de garder les idées pour pas qu'elles s'envolent. Il y a quelque chose de surprenant, Alex, quand on s'est rencontré pour la préparation, il y a sur le CV, vous nous avez fait passer un CV, c'est bien, comme ça on a tout le cheminement. Alex Bertrand, opérateur chimie. Je dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Opérateur chimie, vous avez une formation dans la cuisine. Oui, oui. Je ne saisis pas tout à fait en fait. CAP pardon, de cuisine, un BEP d'hôtellerie. Et puis là, d'un seul coup, on est chimiste. Vous faites dans l'alchimie par rapport à la cuisine, non? Comment que ça marche? Alors déjà, on va revenir à ma chère et tendre que tu as remercié tout à l'heure. D'abord, j'aime pas l'épaulette. Oh donc bon. Si elle nous entend, Je suis sûr comme dirait Drucker, salut à toi. Ensuite, tu as parlé d'avenir, donc je te citerai quelque chose de très simple, de Pierre Dac. L'avenir est devant moi et il me tournera le dos chaque fois que je ferai demi-tour. Et pourquoi je porte un chapeau? Parce qu'il me reste plus qu'un neurone, donc j'essaye de le préserver au maximum. Pour répondre à la question à Robert, si tu me permets de tutoyer. Sans problème. Et Guy, ça va de soi, bien évidemment. Pourquoi ce changement de cap? Parce que durant toutes mes années de travail, je me suis toujours occupé des autres. Et jusqu'en 99, j'avais certaines responsabilités et j'employais des temporaires. Et j'avais toujours la même dame au téléphone. Je disais, il faut que tu m'envoies X temporaire, etc. Et bien évidemment, tout le monde venait se confier à moi en me disant les petits bobos, les petits malheurs, les petits... Hein. Et j'ai mangé une fois avec elle. Et elle m'a dit, je lui ai dit, écoute, j'en ai marre de m'occuper des autres. Je veux travailler 8 heures. Je pose mes affaires, je rentre chez moi, la tête vide. Il m'a dit, ok, je te trouve quelque chose, donc chez Firmenich. Et j'ai travaillé comme opérateur chimie, tranquille. Ensuite, tout le monde est venu me chercher en me disant, oui, ça serait bien que tu sois notre représentant à la COPE. Alors la COPE en Suisse, ça équivaut à une CE en France, c'est-à-dire c'est des discussions, et donc ça représentait 700 personnes. Donc ça doit être génétique, parce que on a toujours de famille, on s'est toujours occupé des autres et rarement de soi-même. Donc je vais continuer comme ça, je vais changer de cap. Faire ce que j'ai envie de faire, faire ce qui me plaît, et choisir le métier que j'ai envie de faire. Alex, est-ce que s'occuper des autres, c'est les défendre? Est-ce que c'est un peu ça? Ou c'était simplement être un peu comme un curé, un confident? Ah bah oui. Non, je sais pas. Si j'étais un curé, ça serait. Oui, ça, d'accord. J'ai déjà la tonsure, on est d'accord. Non, mais ça peut être associé, en fait, non? Alors, il faut... je pense qu'on y reviendra avec Guy plus précisément. Il ne faut pas confondre l'assistanat et l'aide. C'est très différent. L'assistanat, c'est non. Il y a de l'éducatif qui doit être fait en famille, qui doit être fait en sportif, qui doit être fait en social, qui doit être fait partout. Mais ça ne remplacera jamais les parents. Et c'est pas depuis hier que je le constate, et c'est de pire en pire. C'est juste. Cette réaction, c'est quoi? C'est par rapport à votre papa? Pas du tout. Absolument pas. Que vous n'avez pas beaucoup connu, je voulais dire, hein, par là. Voilà. Oui, mais 5 ans dans votre vie. Arrête de... Oui, pardon. Oui, excuse-moi, Alex. Excuse-moi. Ça m'énerve. Ouais. Non, mais bon, on aurait pu penser que tu as cette idée-là parce que Bah, un papa, ça manque, hein. Je veux dire, quelque part, bien que Paulette, elle ait tout fait pour que ça se voit pas, mais forcément, il y a un manque. Donc, on peut être dans la vie un peu frustré par rapport à ça. Ça t'a pas marqué plus que ça? Pas du tout, puisque on y reviendra dans la chanson qui sera au milieu. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette chanson-là. Parce que, à l'époque, sur Éloise, qui est une petite commune, hein, on n'avait pas le portable, on n'avait pas de Natel, on n'avait rien. On était tous de la même famille. Donc, quand il manquait quelque chose à quelqu'un dans un tel endroit, c'était soudé. C'est-à-dire que quand on donnait une parole à quelqu'un et qu'on serrait la main, on ne revenait jamais en arrière. C'est plus le cas aujourd'hui? Pas du tout. C'est malheureux, je le regrette, mais c'est comme ça. Il faut savoir évoluer, peut-être pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens, oui. Enfin, pas dans le sens qui me convient, en tout cas. Mais Alex, les amis, ça existe toujours. Alors bien sûr, une solidarité dans un village, c'est une chose, mais quand on a des amis, des vrais amis, on peut compter dessus. Ça existe encore quand même. Oui, ben, j'ai hésité entre deux chansons qu'on a chantées X fois à Concordia, Les copains d'abord. Donc je ne l'ai pas mis au programme parce que je pouvais vous en mettre 100, hein, qui me tiennent à cœur. Voilà, mais c'était Les copains d'abord. Et c'était toujours, et ce sera toujours, Les copains d'abord. Et je crois qu'ils se reconnaîtront s'ils m'entendent. J'en ai un qui est en face de moi, donc c'est déjà facile, il y en a déjà un de moins. Pas sûr que je partage tout à fait cette idée, mais bon, c'est pas... Non, mais je sais, parce que je connais un petit peu ta vie, hein. Je sais que tu as beaucoup d'amis, enfin, beaucoup de copains, de vrais copains, qu'on pourrait effectivement qualifier d'amis. Mais attention, un copain, un ami, c'est pas tout à fait pareil. Bien que. Et je sais que tu en as plusieurs, hein. Je dis pas que tu en as un paquet, je dis que tu en as plusieurs. Et peut-être pas tous aujourd'hui parce que il y en a qui doivent bosser aussi ce matin, mais il y en a certains qui doivent avoir l'oreille tendue. Donc, tu fais attention à ce que tu vas dire. Aucun problème là-dessus. Oui, je sais. Aucun problème là-dessus. Je sais. T'es même. Pardon pour les auditrices et les auditeurs, mais parfois t'es chiant. Oh putain. Heureusement. Que tu peux être chiant, c'est incroyable. Heureusement. Incroyable. Bon, c'est comme ça. C'est Alex Bertrand. C'est ce qui fait un peu ton... Comment dire? Oui, voilà. Merci. Comment t'as dit, Ludo? Le charme, voilà. Merci, Ludo. Ce qui fait son pédigré, on pourrait dire ça aussi. Ouais. Enfin, le pédigré aussi, exact. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Sans ça... Sauf qu'avant de me vacciner, il va falloir me choper. Hein. Faut toujours faire attention. Allez, on revient un petit peu à nos moutons. Firminich, donc, après ces nombreuses années où tu as exercé la profession, faut le dire, dans l'alimentation, puisque tu étais, je le rappelle, hein, CAP de cuisine et BEP d'hôtellerie. Donc, c'est pas rien. Tu as quand même occupé des postes. À des postes, moi j'ai été un peu scotché, hein, parce que t'as officié par exemple comme attaché de direction à l'aéroport de Genève. Bon, c'est pas rien. Tu peux nous en dire quelques mots là-dessus, non? Oui, bien sûr. Oui. Je citerai un de mes garçons qui me suit. Alors, il y en a un qui me suit au niveau du football, donc il a pris la transition, le premier. Et le deuxième qui me suit au niveau culinaire. Et le deuxième me dit, papa, t'as des fulgurances. Des fulgurances. D'accord. Explication, Alex. Explication, à l'aéroport, on avait mis des journées ou des semaines à thème. C'est-à-dire qu'on développait l'historique d'un plat, la géographie d'un plat, pourquoi il avait été monté dans ce sens-là, et on amenait chaque fois des mets spéciaux, avec un historique et avec une géographie bien précise. Et c'est pour ça, c'est ce que je veux refaire. On avait fait un truc de fou aussi, alors là c'est... Il y avait un vieil avion qui était sur le tarmac, et on avait un restaurant qui s'appelait le Plein Ciel. J'ai dit, ben, ce qu'on va faire, on va découper le toit du restaurant, on va démonter l'avion, et le Plein Ciel, ça sera un restaurant dans l'avion. Et ça marche. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait, oui. Et ça existe toujours, Je sais pas, il y a longtemps que je suis pas passé, mais ça existe. Ça a eu du succès, ouais. Et c'était un gastro, ouais. On a eu fait aussi avec Maître, je l'appelle Maître, Pierrot Jordan, je sais pas pour faire de la pub, mais il m'avait appelé pour l'OMS, le BIT et certaines choses sur Genève, où on faisait des buffets spécifiques au pays, avec des pains spécifiques du pays, l'historique, la géographie, la culture. Mais ça demande de la recherche, ça. Ah, énormément de recherche, oui, mais c'est passionnant. Et pourquoi ne pas avoir continué dans cette... besoin de changement, besoin de... Bah pour la raison que j'ai invoquée tout à l'heure, c'est simplement que je ne voulais plus m'occuper des autres. Mais c'est épuisant. La génétique m'a rattrapé, quoi. Ouais. Je ne peux pas dire non. Ça, c'est un autre trait de caractère. Voilà. Je ne sais pas dire non. Mais je suppose que ça a été sûrement difficile. Et pour toi et pour les personnes que tu as côtoyées de quitter ce poste. C'est presque l'âme en peine, non? Non, mais il y a des fois dans la vie, il faut savoir faire des choix. Ou des sacrifices. Ou les deux. Des sacrifices rarement. Ah si. Ou je les cache, mais rarement. C'est quoi un sacrifice pour toi? C'est qu'on m'arrache quelque chose à laquelle je tiens. Et c'est pas pour ça que j'en parlerai. Je n'ai pas demandé que tu en parles. Je demande simplement ce que c'est pour toi un sacrifice. Je t'ai répondu. On avance? Bien sûr. Avec plaisir, je recule jamais. Tu m'as connu au foot. Moi, je t'ai connu bien avant. Hein. Oui. Je t'ai vu naître. Hein. Pardon, mais bon. Bah, tu m'as bercé trop près du mur, c'est pour ça. C'est toi qui le dis. Hein. Bon, mais Paulette, je sais que c'est ton garçon, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il est comme ça, il est comme ça. Hein. On peut rien y faire. On peut rien y faire. Donc, t'es venu donc à cette... Pourquoi, voilà, c'est la question que je voulais te poser. Pourquoi t'as abandonné finalement... l'explication m'a pas bien convaincu tout à l'heure. Hein. Mais pourquoi tu as abandonné la restauration? Parce que c'est pas s'occuper des autres que d'être dans la cuisine, que de préparer des plats. Au contraire, c'est de donner un peu de bonheur à table, ne serait-ce que ça. Pourquoi t'as abandonné ça et puis te aller vers d'autres cieux et d'autres aventures? Ben non, contrairement à ce que tu dis, c'est l'inverse. Tu fais de la cuisine pour donner du plaisir aux autres. Donc tu donnes, mais tu te fais plaisir en faisant plaisir aux autres. Oui, bien sûr. Oui, mais tu disais... Pour des motifs personnels, j'ai choisi volontairement de changer. D'accord. Parce que je ne voulais pas continuer à m'épuiser pour les autres. Oui, on a fait des tournois, on a fait beaucoup de choses. Hein. Oui, mais c'est... Je ne vais pas énumérer mais ça, c'est dans l'activité. Ça, c'est dans l'activité sportive. Oui, non, mais ça pompe quand même bien sûr. Je suis tout à fait énormément. D'accord. Oui, bien sûr, oui, ça a occupé. On avait fait tirer au jet, c'était pas sportif. On avait fait les pins. C'était prévu pour 1000. C'est moi qui les ai dessinés, qui les ai créés. On avait prévu pour 1000, on a fait 2000. Oui, oui. Et ça, c'est pas du sportif, c'est du sentimental et qui ne vient pas forcément avec le culinaire. C'est un ensemble. C'est accessoire. Ah non, accessoire, ça serait égoïste. C'est tout donner. Et tout donner, ça veut peut-être dire, des fois, donner trop. Ça t'a coûté ? Bien sûr. Dans ta vie ? En tout cas, ça ne m'a pas rapporté, non. C'est évident. Mais ça se saurait. Ou ça se saurait, oui. Mais de là Je serais peut-être plus riche, mais je serais certainement plus con. Ce grand silence, c'est... Oui, je le dis, enfin, Robert le disait, je le dis, c'est spécial. Alex, c'est spécial. Très, très, très spécial. Assistant de direction à l'aéroport de Genève, donc, avec la gestion des achats et des stocks et du personnel. Chez Firminich, président de délégation du personnel. 700 personnes. Quand tu dis que tu veux pas t'engager pour les autres, et puis là, d'un seul coup, là, tu changes de boulot, mais boum, allez hop, il y a 700 personnes qui arrivent. C'est complètement... il y a quelque chose que j'arrive pas à piger, quoi. Oui, absolument. Tu as entièrement raison. Mmh. Alors, c'est irréel. Explication, on l'a donnée il y a pas 5 minutes. L'explication, elle est simple, c'est que des gens, pas 700, des gens sont venus en me disant « Il faut que tu reprennes ça en main, il faut que tu nous défendes. » J'ai dit « Ok, mais en toute légalité, donc, vote. » Donc, automatiquement, il y a un vote. J'ai été élu démocratiquement. Ça s'est passé naturellement. Il n'y a rien eu de... Mais c'est des parcours, Robert le disait tout à l'heure, c'est des parcours atypiques quand même. Ça fait quand même quelque chose de... Mais j'aurais très bien pu dire non merci. Donc, c'est qu'au départ, tu voulais bien, en fait. Tout en ne sachant peut-être pas l'aventure que ça allait... Mais c'est une aventure qui est enrichissante, différente, enrichissante, où on côtoie des gens complètement différents, mais c'est toujours, une aventure est toujours enrichissante. Si elle est négative, elle ne m'intéresse pas. Oui, mais tu l'as quitté quand même, cette... c'est qu'à un moment donné, c'était négatif. Oui, oui. Mais on suppose que... Pardon, Robert. Pourquoi je me permets cette parenthèse ? Parce qu'encore une fois, je connais un petit peu le parcours et la vie d'Alex. Pas sa vie intime, hein, c'est sa vie en particulier. Peut-être qu'il a eu, ce changement de cap par rapport à des choses qui peuvent arriver dans la vie. Hein. Ça arrive à beaucoup de gens, malheureusement. Il y a des belles choses qui arrivent, il y a des mauvaises choses qui arrivent, et quelquefois, sous un grand chapeau comme il peut porter, ça peut bouillir et avoir d'autres, comment dirais-je, d'autres pensées et avoir d'autres directions. C'est certainement ça qui a dû. On change d'analyse par rapport à des faits. Oui. On change d'analyse. Il y a des situations. Il y a des situations où tu es très bien placé pour en parler aussi. Il y a des situations qui font que on est obligé de trancher certaines choses. C'est indéniable. Pardon, Alex. Ce que j'admire en toi, c'est que bien que par moments c'était pas aussi évident que ça, tu as quand même traversé des périodes pas trop sombres. Et aujourd'hui, bon, ce qui est important, c'est de te voir devant nous, hein, avec Robert, et puis aussi devant le micro pour que les auditrices et les auditeurs puissent aussi s'imprégner de choses qu'ils ne savent peut-être pas. Et donc te connaître un tout petit peu mieux, hein, mais beaucoup de gens te connaissent puisque le passage à Concordia que tu as marqué de ton empreinte, tu le disais tout à l'heure, hein, par rapport à ce qui a été organisé, les tournois, le tournoi Roger Petit, pour pas le citer, le tournoi des jeunes, pour pas les citer. Je veux dire, beaucoup de choses qui ont été, pas forcément de ton initiative, mais en tout cas de ta contribution personnelle, où tu as donné quand même pas mal de choses. On en parle un peu ? Et tant pis, ça fera pas plaisir à celles et ceux qui sont au Concordia aujourd'hui. Je respecte tout le monde. Oui, je sais. du moment qu'on me respecte. Quand on ne me respecte plus, ça ne peut pas jouer. Je veux bien des critiques, mais je les veux positives. Tout ce qui est négatif ne m'intéresse pas. Le négationnisme ne m'intéresse pas. Donc, pour prendre tes propos, mon idée, c'est d'arrêter Concordia en 2021 pour les 100 ans du club. Parce que en 1981, j'étais le plus jeune joueur de la première. Donc mon idée, c'est d'aller jusqu'en 2021 et après... Déjà, mon fils a pris le flambeau et bravo à lui pour ce qu'il fait. On rappelle son nom. Jamais dit. Bastien. Bastien, oui. Bastien Bertrand. Je lui ai jamais dit parce que. C'est pas Brigitte Bardot. Hein, c'est... Non, non, c'est bébé, mais. Non, c'est pour. Il a pris le flambeau, donc, Bastien. Ben, c'est ouais. Tandem. Voilà. Ouais, ouais. C'est un relais comme à l'athlétisme. Et 2021, alors pourquoi tu veux arrêter? Parce que stop, comme ça. Parce que je pense que si tout le monde fait 50 ans, je peux m'en aller tranquille. Ouais. Je peux aller faire autre chose. 2021. J'espère. Mais ce que je voulais dire, ton activité au sein du club... tu t'es beaucoup investi. Tu as fait des choses, oui. Trop. Comme beaucoup de personnes qui s'investissent quelquefois dans des associations. Et... Absolument. On en reparlera ultérieurement. Tu veux pas en parler? Oui, je vais en parler. Mais j'en parlerai juste avant la musique. D'accord. Que j'ai choisie. Oui, ça va être en pas très longtemps. Ça va d'accord. Être dans quelques instants, oui. Donc, on va reparler de ça. Et puis, il y a aussi quelque chose de très particulier dans ta vie, c'est que Robert l'a dit tout à l'heure, hein, ABC, ABC, Alex Bertrand Communication, ça, c'est encore une idée, j'allais dire, qui a germé de ton chapeau. Alors, pourquoi ABC? Alors, Alex Bertrand Communication est aussi, et surtout... Revenir à des valeurs de base, c'est-à-dire revenir au principal. Qu'est-ce qu'on apprend à la base? C'est le A, B, C. C'est l'ABC. Oui. C'est l'ABC. Exact, exact, voilà. Exact. Waouh! Eh oui. Eh ben oui. Eh ben tu vois, c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Alors voilà. Bien, ABC, qu'est-ce qu'on met dans le... Qu'est-ce qu'on met dans cette société, dans le A, dans le B, dans le C? Qu'est-ce que événementiel, c'est tout, c'est très très large, trop large peut-être. Ah, oui, oui, non, mais c'est un panel sur trois lettres, tu as un panel complet. A, c'est l'animation, donc tout ce qui est festif, tout ce qui peut être envisagé. Le B, c'est bâtir. Donc pas bâtir dans le sens où je me permettrais pas de faire du BTP ou des immeubles, mais construire, bâtir quelque chose, bâtir une idée, bâtir il y a plein de choses qu'on bâtir peut bâtir. Un projet, bâtir. Voilà. Voilà. Oui, ça peut être. C'est donc communication, et compréhension. Après, je ne prendrai pas un dernier mot parce que ça pourrait être mal interprété, donc je le laisserai de côté. Mais tout ce qui peut être en compréhension, je suis prêt à comprendre tout le monde. Toutes les catégories. Tout apprendre. Je suis fervent d'apprendre des choses et donner une sorte de conseils de communication pour pouvoir avancer. Comme des cours un cours de professeur, par exemple. Voilà. Apprendre, transmettre. Voilà. C'est marqué aussi l'initiation conseil en communication, parce que quand je vois certaines personnes communiquer, ça me fait peur. HSC, c'est hygiène, sécurité, environnement, c'est communiquer pour, et je me base sur des chiffres de l'OMS et du BIT. On parle beaucoup de burn-out, je sais que Guy n'aime pas parler anglais, mais il y en a de plus en plus. Pourquoi il y en a de plus en plus? Éviter ça. Alors, je me permettrai pas de dire que je suis pas le dernier des petits nains. On n'ira pas tous chanter en travaillant le matin avec... La pioche sur le dos. La pioche sur le dos et puis Cendrillon qui fait des tartes aux pommes. Pas bonnes en plus les pommes. Mais Alex, tu parlais de communication et tu disais, j'entends parfois certaines personnes, ça fait peur. Moi j'ai besoin de communiquer au sein d'une entreprise, voilà, j'ai été nommé dans telle boîte, etc. Je ne sais pas communiquer, je ne sais pas parler en public. Alors tout ça, je peux t'appeler. Alex, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin à la limite que tu me formes. Voilà. C'est ça? Oui. Ou tout simplement aller sur place. Ou aller sur place. Aller sur... Ah oui, d'accord, oui. Ça m'est déjà arrivé d'aller sur place pour dire voilà, ça ne va pas, ça ne se fait pas. Et j'ai un ami qui est professeur de théâtre à Lausanne. Qui m'a appris énormément de choses. Parce que la gestuelle, comment on se pose, les deux pieds dans le tapis, les deux mains, comme on a discuté lors de la préparation, c'est toutes des bases de principes. J'ai eu l'occasion, ça c'est complètement anecdotique, chez Novartis à Nyon, où ils voulaient carrément fermer l'entreprise. Donc il y a eu un défilé comme quoi les gens ne voulaient pas fermer. Moi qui étais de Genève et en plus frontalier, entre les Genevois et les Vaudois, c'est déjà pas triste. Alors un frontalier là-dedans, je vous explique même pas. Et Savoyard. Et Savoyard de haut. Oh, Savoyard, pardon. J'ai évité de leur dire. Tu sais que tous les contractuels à Genève, c'est tous des Savoyards. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de PV à Genève. Ah bon? Mais tu sais que en Haute-Savoie, on jette l'argent par les fenêtres. Ah oui, mais depuis... Mais de l'extérieur à l'intérieur. Quelle réputation! Voilà, donc c'est un premier tour de table qui me paraît... intéressant. En termes encore un mot avant de faire la pause. En termes d'animation, je sais pas. Je peux te confier un mariage. Je sais pas. Animation, c'est large. Hein, c'est très très large. Oui, c'est-à-dire que tu t'occupes de tout. Voilà. Il y a un mariage. Ouais. Je sais pas qui contacter comme groupe, quel traiteur, quel ci, quel là. Voilà. Ça, oui. Ça, je peux le faire. Par contre. Je suis ouvert à toute proposition, bien évidemment. Mais si c'est pour faire un mariage avec des cacahuètes et des chips, vous n'avez pas besoin de moi. Oui. Si vous voulez faire un truc à thème, un truc bien précis, avec quelque chose de bien cohérent, je travaille sur le sujet. Ça me plaît, je le prends. Ça me plaît pas, je le prends pas. Alex, dans le mot ABC, il y a le B de bâtir. Est-ce que tu as rencontré sûrement des gens qui avaient des idées folles et tu n'allais pas t'engager parce que tu te dis, lui, il est complètement frappé. Ça t'est arrivé? Non. Non, parce que c'est lui qui les a frappés. Les D'abord, je frappe le premier. On fait la pause? Je voulais juste... on a parlé... Si tu as 30 secondes. Ah oui. On a parlé jeudi. On n'est pas au feu, hein, comme on dit. J'avais dit que je vous amènerais ça. Voilà. Donc, c'est. Tous les 4-5 ans, on a un profileur. Ah oui. Qui nous donne. qui nous pose 26 millions de questions, qui nous... Je vais être poli. Oui. Alors, sa conclusion, c'est « Milite pour un travail de qualité, procède très méthodiquement, observe et réfléchit sur les faits, est souvent assez secret, peut être intimidant, intériorise trop ses émotions. » Voilà le rapport que je ne crois absolument pas, mais c'est pas grave. C'est pas toi, ça, non. C'est son analyse à lui. Voilà, oui. D'accord. Ça n'engage que lui. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans, si ? Bon, ça le regarde. Il doit bien y avoir quelque chose, quand même. C'est à vous de le dire, c'est pas à moi. Toi, tu refuses. Je ne fais pas d'autocritique. Non, c'est pas la question. Non, mais c'est pas. Ben, tu fais pas d'autocritique quelque part, si, parce que tu pourrais dire, voilà, il y a ça et ça. Là, tu te refuses à toute critique en définitive. Non. Si. Non. Si. Tu. Bon, on va pas. Non. Mais c'est. Je dirais que c'est trop schématique. En cinq phrases, mini-phrases, je dirais même, on va synthétiser une personne. Et ça, je veux pas. Oui, non, mais là, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, on juge les personnes par rapport à pas grand-chose, en définitive. Hein. Et moi, avant de juger une personne, il faut bien la connaître. Et comme on ne connaît jamais bien la personne, eh ben, tu mets un sacré moment avant de pouvoir donner... Mais il y a des experts là-dedans. Tu le sais bien, il y a des psychologues, il y a des gens qui interviennent dans des choses. Et là, apparemment, c'est quelqu'un qui est bien au-dessus de ton niveau. Pardon, Alex. Hein? Non? Qui est d'un autre niveau. Voilà, qui est d'un autre niveau. En-dessus, voilà. Je ne sais pas. Oui, je ne me permettrais pas de dire ni en-dessus ni en-dessous. D'un autre niveau, oui, c'est peut-être la bonne explication. J'ai toujours des images comme ça où... Tu rentres dans un bureau avec ces gens-là. Ils ont le bureau, ils ont des tiroirs. Comme tu disais tout à l'heure, à cause de la mort de ton père. Donc, le dossier là. Là. Ils font un condensé de tout ça. Et ça sort un schéma. Alors, le dernier que j'avais vu quand j'étais pas bien. Psycho-maniaco-dépressif, tendance bipolaire. Quand je me suis levé, j'ai dit, au moins, je suis habillé pour l'hiver. Ouais. Allez, on fait la pause, oui. Alex, et puis tu nous diras pourquoi tu as choisi cette chanson que Ludo va nous envoyer. Crever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, et tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grain de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Retour à cette émission Un métier, une passion. Notre invité aujourd'hui, Alex Bertrand. Et la chanson qu'on vient d'écouter, évidemment, c'est toi qui l'as choisie. C'est ce qu'on demande toujours aux invités, de faire, de choisir leur pause musicale. En l'occurrence, évidemment, Jean-Jacques Goldman, Tu es de ma famille. Oui, un commentaire. Tu y tiens beaucoup d'ailleurs à cette chanson. Elle dit plein de choses. Et c'est un truc qui te touche au cœur, ça. Oui, absolument. J'ai choisi, j'ai sélectionné celle-là. J'aurais pu, comme je vous ai dit tout à l'heure, en choisir d'autres qui étaient aussi fortes. Mais celle-là me paraît très juste dans le sens où elle remercie non seulement ma famille, mais tu es de ma famille, ça veut dire tu es de ma race et de mon sang. Et celle-là, c'est pour tous les éducateurs, les animateurs, tous les gens qui satellisent autour des associations, quelles qu'elles soient, sportives, éducatives, socioculturels, culturels, je leur envoie ça de tout mon cœur parce que je pense qu'ils méritent énormément de considération. Et un petit bémol quand même, enfin, une personne qui, avec qui on discutait souvent, Et on se voyait dans la rue, et chaque fois, quand il me voyait, il me disait « tu es de ma famille ». Il s'appelait, il est décédé malheureusement, Jackie Bertrand. Et il s'appelait Bertrand, mais il n'était pas de ma famille. Il était éducateur au rugby, ouais. J'étais éducateur au foot, ouais. Et dès qu'on se voyait dans la rue, il me disait tout le temps « tu es de ma famille ». Et je tiens à lui dédier, et surtout à tous les éducateurs, tous les gens qui sont derrière un bar tout le week-end, qui se déplacent à Bourg, à peu ou prou où ils vont, ça leur prend énormément de temps et ça leur prend énormément d'énergie et d'argent. Et c'est surtout pour eux que j'ai choisi cette chanson. Est-ce que par rapport à cette chanson, on pourrait revenir un petit peu en arrière? En arrière, parce que moi j'ai une petite pensée pour quelqu'un que tu as, je sais pas, non tu l'as pas connu, ton grand-père. Absolument. Un vieux, pardon pour le mot vieux, mais un vieux résistant qui a un petit peu marqué. Et c'est vrai qu'on est dans une période où le 11 novembre ne va pas tarder à pointer son oreille. On pourrait avoir son nez, oui, pardon. On pourrait avoir peut-être une pensée pour ses actions qu'il a pu mener à l'époque, du plateau de la Smine, où il y a eu des combats, il y a eu des choses qui se sont déroulées, et où il était un grand acteur. Oui, absolument, absolument. Donc c'est un devoir de mémoire, voilà. Que je mets en exergue. Donc effectivement, je l'ai pas connu sur la Smine. Je crois pas qu'il ait fait quelque chose. Par contre, il a fait beaucoup sur le Rotor, sur le bassin milliardien, sur Cristal 4. Et il avait déjà fait la guerre de 14-18. Et il avait eu, si ma mémoire est bonne, la Croix de Guerre. Et par la suite, il a eu la Légion d'honneur avec palme. Et à l'époque, sans l'avoir demandé. Ce qui se fait plus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on attribue quelquefois... No comment. À juste titre, hein. Je pense. On n'en dira pas plus. À Éloise, tu nous le disais pendant la pause musicale, il y a deux personnages qui ont eu la Croix de Guerre. Hein. Il y a eu ton grand-père... Et la commune. Et peut-être Gassiou, mais c'était sur la Haute-Savoie, sur la Spine, c'est possible. Si je me trompe pas. Oui, ça c'est sous réserve. Non, Louis, je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil, oui. Parce que ça me semble important en ce moment où effectivement il y a ce devoir de mémoire qui nous revient toutes les années, et c'est tant mieux. Pendant combien de temps, on sait pas encore, mais bon, c'est pas le propos. Donc voilà, je voulais avoir cette pensée pour la famille comment dire Fenestra, pardon, dont ta maman est originaire, bien sûr. On continue, Alex? Ah ben voilà, tiens, ah ben voilà, tu vois, comme quoi, hein, je te connais bien. Hein. La Croix de Guerre, hein. Voilà, ouais, la Croix de Guerre avec. Ah mais là, c'était bien. C'était en quelle année? En 49, le 23-4-49. Et là, c'est maire d'Éloise. Je vois marqué maire d'Éloise. Il a été maire d'Éloise, ton grand-père? Mon grand-père, et là, c'est mon oncle. Ah, c'est Paul, là? Ouais. Le plus jeune maire de France, c'est encore d'actualité. Ah oui? Oui. Ah mince, oui, ben d'accord. Ah oui, d'accord. Éloise. Ah, ouais. Éloise recevra la Croix de Guerre. Et donc, c'était ton oncle? Oui. Qui était à l'époque maire d'Éloise. Oui. Quand la Croix de Guerre a été attribuée. Après mon grand-père. D'accord. Ouais. Allez. t'as pas l'ambition d'être maire d'Éloise des fois, non? Non, pas trop. Oh, quoi? Si on vient te chercher. Si on vient te chercher. Aïe, aïe, aïe. Alors, le silence dit tout, hein, Alex. Ouh là là. Les choses ont bien évolué parce que maintenant, c'est des communautés de communes. Ouais, mais il y a un maire. Oui, oui, oui. Qui servira peut-être plus à grand chose, mais moi je défends plus un Scott. Un Scott, c'est plus bassin belliardien et l'Oise. Et les gens de la Smine, que j'aime beaucoup, hein, mais d'un certain côté vont sur Frangy ou Seyssel et ne viennent pas sur Bellegarde. Et les Éloisiens ne vont pas forcément sur Seyssel ou Frangy. Donc il vaut mieux, je respecte absolument le découpement, mais c'est pas parce qu'on a un fleuve entre nous qu'on est forcément ennemi. Non, pas forcément, mais au milieu coule une rivière. Oui, mais justement, cette rivière, elle est quelquefois difficile à traverser, hein, même s'il avait pont un peu partout. Tu y arrives bien avec ton canot. Oui. On aurait bien y arriver avec des ponts. Oui. Non, mais il y a pas de souci de ce côté-là. Moi, ça me pose aucun problème de traverser la rivière parce que. Quand on t'accepte, oui. Parce que. Bon, ouais, je pense que je suis assez accepté de l'autre côté, parce que bon, c'est un petit peu ma patrie, l'Oise, hein. Moi, quand je suis arrivé, mais c'est pas mon histoire. Allez hop, on est dans l'histoire de. Juste une parenthèse, oui, Guy, si tu permets, mais c'est vrai, quand on parle du pays belgardien, effectivement, il y a Bellegarde d'un côté et l'Oise de l'autre. On passe le Rhône, on change de pays. On change de mentalité, on change. Mais c'est vrai, il y a une, c'est très très net. Comme on pourrait prendre un autre exemple, une fois passé le fort l'Écluse, on n'est plus en pays belgardien. C'est d'autres mentalités, d'autres vies, d'autres voilà. Et pourtant, ce n'est que quelques kilomètres. Et on est en, de l'autre côté, on est en Tiocanie. Bon, ça n'engage que toi. C'est géographique. Oui. Bon, ceci dit. Alors que je les aime bien. Hein. Oui, enfin. Tu n'es peut-être pas réciproque, d'accord. Il y a des choses comme ça dans la vie, on ne choisit pas. Il y a une autre chanson que tu aurais pu choisir. On ne choisit pas ses amis. On ne choisit pas sa famille. Voilà. Maxime Le Forestier. Ouais. Ouais. Voilà, donc, on ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille. De Manille, oui, exactement. Oui. De Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Bien. Tu connais bien ton histoire, hein. En tout cas, ton. Mon répertoire. Ton répertoire, voilà. Alex. Encore un petit mot, enfin quelques petits mots concernant ta prochaine activité. Ta prochaine activité qui est déjà aujourd'hui un petit peu implantée, pas trop en fait sur dans notre bassin de vie, surtout du côté suisse, du côté de Genève où tu officies déjà. Alors. Pourquoi, pour le moment, dans notre environnement, t'arrives pas, t'as peut-être pas trop communiqué, ou tu es en train de communiquer justement maintenant par rapport à cette nouvelle activité qui t'est propre. Est-ce que tu as déjà contacté des communes, des municipalités, des choses comme ça, pour essayer pas avoir des aides, mais avoir les possibilités d'organiser un certain nombre de choses. Et est-ce que tu as d'autres idées dans la tête par rapport aux municipalités? Ça germe. Ouais. Mais au mois de novembre, pour faire germer quelque chose, c'est vrai difficile. C'est vrai que c'est difficile, mais... Hein, oui, quand il n'y a rien sur la pelouse, c'est difficile de faire germer. Alors oui, effectivement. Donc je vais revenir sur ton premier propos. Pourquoi je n'ai pas développé sur le bassin belgardien et sur la France, enfin, la région Rhône-Alpes, ouais. Même si maintenant, c'est plus la région Rhône-Alpes, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, avec un cher président, qui m'expliquera comment on fait pousser des lentilles au Mont-Blanc, et puis moi, je lui expliquerai comment on fait de la tartiflette au Puy-en-Velay, mais c'est en aparté. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas mon numéro de SIRET et mon numéro d'APE. Donc c'est uniquement des choses comme ça. Donc je ne pouvais pas faire de publicité, je ne pouvais pas démarcher quoi que ce soit tant que je n'avais pas cela. Donc maintenant je me présente humblement en face de vous et je commence à démarcher pour 2019 sur la région. Voilà, le résumé, il est là, mais oui, effectivement, j'ai pour objectif de faire des séminaires pour des CE. J'ai des sorties, j'ai déjà 5 sorties de prévues, 4 qui sont à, qui seront sur Paris, à Rungis, donc entre les fleurs, les poissons, les viandes et les fromages. Tu restes dans ce domaine. Alimentaire. Ouais. Ouais. Enfin, les fleurs. Oui, bien sûr. Oui, oui. C'est la décoration. Oui. Pour une bonne après, table. Voilà. Après, il y aura le salon de l'agriculture. Comme ça, on pourra aller manger de la tête de veau avec notre ex-président. On avait fait sur. Sur Genève, on avait teint le foron en vert pour la Saint-Patrick. Le foron, c'est un fleuve et on avait mis des barres pression tout autour avec du folklore celte. Donc j'aimerais bien, c'est le 17 mars prochain, j'aimerais bien pouvoir refaire ça entre le pont de Grésin et sous les tours. C'est réalisable ? Bien sûr. C'est que des produits... alors attention, hein, c'est que des produits bio. C'est pas de la teinture qui va faire mourir la faune, la flore. Ouais, mais ça peut être réalisable. Bon, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu. Ah ben, ça peut être réalisable comment ? Et par qui ? Ah ben, après, il faut des accords, bien évidemment. Maintenant, il faut des accords sur tout. Mais donc, il faut des accords des deux mairies. Puisque ça va toucher les deux rives, Éloise et Bellegarde. Donc il faut ça, il faut des assurances, il faut un tas de choses. Mais il faut aussi l'autorisation de la CNR. Aussi, oui, bien évidemment. Bien évidemment, il faut un tas de choses. Donc je ne peux pas me permettre de développer ça. C'est pour le mois de mars l'année prochaine. Oui, mais c'est bientôt là. Oui. Et c'est un projet. Entre deux, j'ai deux sorties à Grasse chez Olfa 5. Alors là, c'est des sorties plus spécifiques. C'est-à-dire que les gens vont à Grasse chez Olfa 5 et ils vont pouvoir faire leur propre parfum. C'est-à-dire un peu plus floral, un peu plus musc, moins de végétal, plus ambré. Elles émanent d'où ces demandes ? Ah, mais ça, c'est des... Ça, c'est toi qui organises. Voilà, oui. C'est ton idée à toi, ça. Voilà, oui, mais ça existe déjà. Hein. Oui, d'accord. Et est-ce que ça motive, est-ce que les gens sont motivés par ça ? Oui, pour l'instant, il y en a une qui est complète, la deuxième... Donc on se limite à 40. Des gens du cru, des gens de... De la région. D'accord. Le plus difficile sur Bellegarde à l'heure actuelle, et j'en ai parlé avec des élus, c'est d'arriver à trouver 40 chambres. Un hôtel qui puisse m'assurer 40 chambres individuelles. Mmh. Et d'accord. Ça, c'est très difficile. Ah ouais, d'accord. Alors, je ne citerai pas de nom parce qu'il y en a deux. Et je ne suis pas là pour faire de la pub. Hein. Je vous laisse le soin de travailler là-dessus. Mais oui, je travaille là-dessus. Ouais. Avec des perspectives... Que j'espère positives. Et les démarches auprès des municipalités pour des salles, pour des endroits... Est-ce que tu as déjà contacté ? Bien sûr. Tu as déjà vu ? Bien sûr. Tu as déjà. Oui. Et c'est positif ? C'est négatif ? Sur Bellegarde, c'est très difficile. En semaine, ça passe. En week-end, ça ne passe pas. Donc, moi, j'ai un créneau où les séminaires se font la semaine. Donc, ça pourrait passer. Et donc schématiquement, je vais vous expliquer comment ça se passe à un séminaire. Il y a petit déjeuner, donc il y a chambre. Donc on revient à ce que je vous disais. Petit déjeuner, monter un petit peu la voie du tram, enfin oxygénation, revenir, cours, repas, retravail d'équipe l'après-midi. Réoxygénation et repas du soir. D'accord. En théorie, schématiquement, c'est comme ça que oui, ça se passe. Oui, d'accord, d'accord. Après, il y a une certaine façon de monter les projets. Après, c'est le client est roi. Donc, c'est le client qui va me dire, on schématise comme ça. Moi, je suis suffisamment souple là-dessus. Pas surtout, d'accord. Mais je suis suffisamment souple pour accepter ça. Le principe de ces interventions, elle concernerait la formation en hygiène sécurité. Aussi. Environnement. Aussi. Audit et gestes et postures. Mmh. La sophrologie. Mmh. La diction. Oui. Conseil en communication. Alors attention, la diction, tout attaché, hein. Pas la diction. Non, oui, la oui, diction. Oui, oui. Non, la plus loin, diction. Oui. Diction. Oui. Oui, on est bien d'accord. Non, mais. Vas-y. Bon, enfin bref. Quoi? Oui, oui, non, mais tu fais bien de le. Parce que c'est vrai que. On est à la radio, on n'est pas. Conseil en communication, donc ça on le sait. Cuisine et cuisine moléculaire, comme le disait Robert tout à l'heure. Alors, moi j'ai appris quand même deux choses hein, que je ne connaissais pas. Mmh. On revient un petit peu en arrière, mais ça fait aussi partie. Cuisine de distillation et cuisine moléculaire. Tu nous as expliqué tout à l'heure ce que c'était. Donc ça va encore entrer dans le... Ça peut être aussi... Voilà, absolument. Donc la cuisine, une séance. Séance. La cuisine, on en a déjà parlé pas mal avant. Cuisine moléculaire, tout le monde dit, mais c'est quoi cet animal-là? C'est pas un animal, ce que je vous ai expliqué l'autre jour, c'est un œuf. Vous le faites cuire ici, on est à 1000 hectopascal, on monte au Mont Blanc, on est plus à 1000, donc il faut le cuire plus longtemps. L'œuf est symptomatique, pardon, de ce qu'est la cuisine moléculaire. C'est-à-dire que c'est, quand vous faites une mayonnaise, vous faites une émulsion. Quand vous faites une émulsion, il y a automatiquement des molécules que vous incorporez, des blancs d'œufs que vous montez, vous mettez de l'oxygène, c'est tout bête. Sauf que là, ils vont plus loin dans le raisonnement, c'est-à-dire qu'ils extraient des molécules de X produits et ils essayent de les adapter sur autre chose. Pour pouvoir faire une corrélation, pour pouvoir avoir une synthèse de deux, trois, jusqu'à présent, et selon mes connaissances, il y a 23 molécules différentes. Il n'y en a pas des millions, hein, il y en a 23. Donc après, comment on fait pour les faire travailler? Pour obtenir quoi, Alex? Par exemple, un chocolat sans chocolat, un café sans café. Et ces choses-là, oui, existent oh ben là, déjà. Il y a longtemps que ça existe. Bien du évidemment. Miel sans miel aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est... Oui, alors après, moi, je ne suis pas pour... Non, mais c'est... La finalité de la chose, c'est quoi? Mais je ne suis pas pour le tout moléculaire. Je veux justement, je vais revenir sur la cuisine. Ce que je souhaite, je veux, c'est un grand terme, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille avec des produits naturels, des produits de qualité, parce que n'importe quel chef, s'il ne travaille pas avec des produits de qualité, ne pourra pas faire un plat de qualité. C'est impossible. Il me vient à l'esprit une question... Qu'est-ce que tu penses du bio? Oui, on n'aurait jamais dû le quitter. On n'aurait jamais dû le quitter. Quitter? Mais on ne peut pas. J'ai passé 10 jours en Martinique. Ils ont ce qu'ils appellent des algues de sargasse. Qui sont en train de... C'est un peu l'équivalent des algues vertes en Bretagne. Donc ça émane des toxiques, de l'ammoniac en priorité, et ils ne savent pas quoi en faire. Alors, il y a plusieurs positions, on ne va pas en discuter parce qu'on a pour 3 heures, mais ça vient uniquement des pesticides qu'on a mis, qui ont ruisselé et qui sont allés polluer la mer. Alors, on peut y en faire du bioéthanol, mais après, les résidus, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est des matières lourdes, donc il y a du plomb, donc il faut le retraiter. Comment on peut faire du biométhanol alors que... On le fait bien on le fait avec des betteraves. Ouais, mais la betterave, j'ose penser que c'est naturel. Alors que ce que tu viens de nous expliquer, ces algues elles sont malades puisqu'elles ont pris le pesticide qui vient se déverser. Elles ont muté, mais on peut plus l'appeler bio alors. Du moment qu'on va les distiller et qu'on va en extraire... Mais elles auraient été polluées au départ. Oui, mais... Pour en arriver là, pour avoir ce changement. Les betteraves, pour avoir X tonnes au mètre carré, on va aussi les engraisser. On ne peut pas, sur un hectare, demander une probabilité de production X que la terre ne peut donner. Mais bon... Je rentre dans un sujet qui n'est pas le mien. Non, mais... Donc c'est un agronome qu'il faut appeler. Moi, je ne me permettrai pas de pallier à leurs compétences. Parce que... Oui, vas-y, Robert. Pardon. Par rapport à la... Pour en revenir juste à la cuisine moléculaire, tu penses que ça va prendre de l'ampleur de plus en plus? On va arriver à faire n'importe quoi, n'importe quel aliment, chocolat sans chocolat, café sans café. Parce que ça pose question, non? Alors, il y a deux phénomènes. Il y a ce phénomène-là, donc je peux le commenter, mais je ne crois pas que ça ira beaucoup plus loin. Après, il sert aussi à faire du subliminal. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans, comme on a discuté l'autre jour, vous rentrez dans un magasin, quel qu'il soit, vous avez envie d'y rester. Ça, c'est du subliminal. Vous avez envie d'y rester. Et plus vous restez dans un magasin, plus vous avez proportionnalité d'acheter. Si ce magasin ne sent pas bon, vous ne restez pas. Subliminal, c'est-à-dire qu'à la limite, on ne se maîtrise pas, quoi. C'est dans le cerveau, ça passe par l'olfactif, ça passe par plein d'autres choses. Ben on a 5 sens à la on base. On a 5 sens à la base. Après, comme on discutait l'autre jour, il y a ces 5 sens qui sont réels, mais après, le plat que je vais te présenter aujourd'hui, si tu es de bonne humeur, tu vas l'apprécier. Si tu es de moins bonne humeur, ça sera moins bon. Et si tu es de mauvaise humeur, comme je sais que tu ne l'es jamais, faut le dire vite. Ça sera dégueulasse. Et puis si tu en veux au chef cuisinier, tu dis que c'est simplement immangeable. Au niveau visuel, si je te présente quelque chose de bien joli, avec des couleurs, etc., tu vas avoir envie. Si je te fais le même, je le passe au mixeur et je te mets un pâté au milieu, c'est exactement les mêmes choses, hein. Tu vas dire, c'est quoi? C'est un gloubi-boulga? Oui, c'est vrai que la présentation y est pour beaucoup. Après, le ça, goût... Ça, c'est le visuel. Après, il y a le goût. Oui, après, il y a le goût. Et en termes de nourriture, alors, on entend beaucoup parler de semaine, de mois en mois. C'est là, paraît-il, que d'ici quelques années, c'est tout proche, on va manger des insectes. Oui, ça existe déjà. Des insectes. Ça existe déjà, hein, je crois que... Ouais. Oui, ça existe. Vous avez goûté? Tu as goûté? Oui, j'ai goûté, mais c'est plus au niveau de l'Asie. C'est des bonbons, avec des mini-crevettes, des mini-scorpions. Est-ce que ce sera la nourriture, selon toi, de demain? Les crevettes, c'est rien du tout. Non, mais dans un bonbon, c'est... Ouais, c'est un peu bizarre. Je ne crois pas que ce soit dans notre culture. Et pourtant... Mais non, je ne suis pas Nostradamus, hein, je ne détiens pas l'avenir. Hein. Puisqu'on reparle un peu cuisine, et pourtant, l'autre jour à la télé, demain, après-demain, dans quelques temps, c'est simplement des pastilles qu'on va manger. Mmh. Bien sûr. Alors là, ça va être encore autre chose. Hein. Je ne sais pas si on va y connaître, j'en sais rien, mais Mais en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on monte dans l'espace. Quand on va dans l'espace, ils y vont pas avec des tonnes de légumes, ils y vont avec, avec des choses pas possibles, quoi. Et pourtant, rien ne remplace un bon... Qu'est-ce qu'on est bien d'avoir un bon steak frites. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Un bon steak frites. Oh là là, un bon plat de pâtes. Hein? Hein? Un oui, bon McDo, ouais. Par un exemple. McDo. Un quoi? Un bon McDo. Qu'est-ce que t'as dit? J'ose même pas entendre. Est-ce que c'est de la nourriture? J'ose même pas une penser. Une petite parenthèse, Alex, parce que bon, l'information, on en est abreuvé. Quel sentiment tu as, toi, sur ces groupuscules, ces véganes qui détruisent, qui ont détruit l'abattoir à automne? Quelle a été ta réaction? Ou ceux qui, bon, en France, taguent des charcuteries, traiteurs et compagnie, foutent le feu, T'as un sentiment là-dessus ou pas du tout? Ça t'interpelle ou pas? Ça m'interpelle, oui, plus que ça. Je vais te citer trois mots qui me sont aussi chers à mon cœur. C'est respect, respectueux, respectable et respecté. Même si les respectables, c'était quand même des filles de joie en 1830... avec le marquis de Sade, c'est quand même, et moi ces trois mots, ces quatre mots là, c'est comme un Rubik's Cube, tu peux les mettre dans tous les sens. Exact. Et on ne peut pas se permettre, je ne suis pas d'accord, comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour qu'on puisse vous entendre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je respecte les véganes, mais qui respectent les autres. Techniquement, si le vegan, il a sa façon de voir les choses. Mais si vous ne faites pas une traite de chèvre ou de vache, elle meurt. Si une poule ne fait pas d'œuf, elle meurt. On est des carnivores. Pourquoi on nous a fait avec des dents? C'est pas pour téter de la gonadine. Donc, ils font ce qu'ils veulent, mais du moment qu'il y a un respect mutuel, et ça vaut pas que pour les vegans, ça vaut pour tous. Oui. Et je parle pas des religions. Ça vaut pour tout et tout le monde. Quand tout le monde respectera tout le monde, ça ira nettement mieux. C'est pas pour demain. Faut espérer. Ouais, l'espoir fait vivre. Ouais, c'est vrai. L'espoir fait vivre. Comment on irait tous mourir dans un cimetière? Ça coûte moins cher en déplacement. Ouais. Bon, on a tout dit? Je pense. Si vous avez d'autres questions, je suis tout ouïe. Moi, je souhaite tout simplement que ta nouvelle aventure, tout simplement qu'elle puisse t'apporter... tout le bonheur du monde, je pense que tu le mérites, je pense que ton parcours a été, est, comme l'a dit Robert tout à l'heure, atypique, hein. Et pourvu que cette belle aventure continue, voilà, c'est tout ce que j'ai, moi, c'est tout ce que je peux te dire et ce que je peux te souhaiter. Voilà, pour que on reconnaisse... pour celles et ceux qui sont encore sceptiques, qu'on reconnaisse un petit peu tes quelques qualités. Est-ce que... Pourquoi ça te fait rire, pardon? Non, mais pourquoi ça te fait rire? Tes quelques qualités, oui. Parce qu'il y met un S, donc ça veut dire que j'en ai au moins deux. Ah oui, bonne remarque. On peut te trouver sur t'as une page Facebook pour ABC, comment on te contacte, il va y avoir un site avant le début de l'année. D'accord. L'année 2019, bien évidemment. Je voulais juste pour le moment t'as deux numéros de téléphone où on peut te joindre et puis une adresse mail ouais. Oui. Alors l'adresse mail, on va la rappeler. L'adresse mail, c'est Alex point et pas tiré, hein. Bertrand4@wanadoo.fr. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est l'adresse mail. Et alors, le téléphone, c'est le 04 50 48 54 59. Et le portable, 06 32 01 85 94. Absolument. Oui, je voulais simplement compléter. Je travaille aussi pour la cuisine, donc c'est de la cuisine, mais avec des huiles essentielles. Parce qu'il n'y a pas que des huiles essentielles aromatiques et de senteur, il y a aussi des huiles essentielles de goût. Spécialement style basilic, style lavande. Donc, je travaille beaucoup avec ça, de la marjolaine, de la mandarine, du géranium. D'accord. Voilà. On a beaucoup encore une. Enfin, moi, j'avais encore une question, Robert, Alex. On a beaucoup parlé de cuisine. Moi, j'aimerais connaître ton plat préféré. Il est haut savoyard ou il est intergalactique, il est t'aimes tout, mais t'as pas un plat préféré? Intergalactique. Non, je dis ça parce que ça peut être des idées folles. Hein. C'est pour ça, je sais à qui je m'adresse. Oui, oui. Je suis pas Ariane déjà, je suis Alex. Je vais reprendre un terme à Guy tout à l'heure ou à toi. Il disait, on va dans l'espace, ils prennent pas un steak ou un machin. Au début, où ils sont allés dans l'espace, les Américains sont allés avec un stylo pour écrire. Et ils n'arrivaient pas, puisque... Et ça a duré des années de recherche, etc. Les Russes ont fait mieux. Ils sont allés avec un crayon papier. Simplement parce que c'est du carbone. Donc, il descend pas. Il a pas la gravité. Avec un crayon à papier, ils ont fait une recherche beaucoup plus facile et beaucoup plus non financière que les... Donc, comme quoi, on peut arriver avec très peu de choses à faire beaucoup de choses. Maintenant, mon plat préféré, je souhaite à tout le monde de pouvoir manger de tout, mais surtout le manger équilibré. Pourquoi pour les catholiques, on mange du poisson le vendredi? C'est pour ne pas manger de viande tous les jours. Pourquoi les musulmans ne mangent pas de porc? Parce que principalement... ils vivent ils sont de souche dans des pays chauds, et on sait très bien que le porc vire beaucoup plus vite et on risque d'avoir un ténia, etc. Donc c'est toutes des façons alimentaires qui sont passées de religion en religion, mais c'est à la base des choses alimentaires. Alors vivons mieux et vivons heureux, mais mangeons de tout. Ça ne répond pas à ma question. mon plat préféré, en étant savoyard, une bonne raclette ou une bonne tartiflette. Ouais. Ou la fondue, tout simplement. Est-ce que c'est le plat préféré? On n'en sait rien. En tout cas, c'est un bon plat qui réunit bien souvent les copains. Aussi. Hein? Ouais. Oui. On mange rarement une fondue tout seul. Mais il y a aussi la poule au pot d'Henri IV qui m'est pas désagréable non plus. On arrive au terme ? On arrive au terme, oui. Je sais pas si on a tout dit, j'en sais rien. J'espère que tout le monde a pu le comprendre. Hein, Robert ? Ah oui, il est un peu monté dans les tours, mais pas trop encore. Non, ça va. Parce qu'il faut suivre, hein, mais c'est vrai, il faut suivre. Mais il y a toujours le fil rouge. Hein. Tu ne perds jamais, comme les bons marins, tu ne perds jamais pied. Non, il ne perd jamais le fil, au contraire, il argumente le fil. C'est ça, ouais. Il l'argumente. C'est Alex. Dès que le vent soufflera, je repartirai. Ouais. Paulette, t'es toujours là, Paulette? Bonne journée à toi, hein, Paulette. Merci, Alex, en tout cas. Émission que l'on va rediffuser, ce sera justement le dimanche 11 novembre, on parlait tout à l'heure des commémorations, donc il sera rediffusé à 11h dans son intégralité, avec quelques extraits dans la semaine. Oui, on va y aller. Avant de se quitter, il y aura encore une chanson qui va clôturer cette émission. Et Alex, tu parlais de Jean-Jacques Goldman, et il y a quelqu'un qui a été très proche de Jean-Jacques Goldman, et pour cause. C'est Coluche, tout simplement, avec les Enfoirés. Lui aussi a donné beaucoup, et puis on ne peut qu'être ému quand on l'écoute, quand on voit des reportages, quand on entend la chanson des Restos, c'est ce qu'on va entendre. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, comme qui sera le mot de la fin d'ailleurs? Absolument, je te remercie de me laisser la conclusion. Pourquoi j'ai volontairement choisi cette chanson? Parce que les Restos du Cœur vont ouvrir à la fin du mois. Donc un petit rappel à ceux-là, c'est pas simplement penser à eux, c'est aussi les aider. C'est beau d'applaudir, c'est mieux d'écouter, comme encore disait Voltaire. Donc, on a parlé de bons repas, de bons plats, et j'aimerais sincèrement finir cette émission sur cette chanson, parce qu'il ne faut pas les oublier, parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est eux, mais peut-être que demain ça sera nous. Merci. Et bonne journée. Merci Alex, merci Guy, merci Ludo. On finit donc avec la chanson des Restos. À très très bientôt sur cette antenne. Moi je suis la rancœur à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste. Toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans les tables. Aujourd'hui nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien. Énergie FM, la radio la plus proche de chez vous.